Ça m'éviterait d'avoir l'air con. Voilà. Manu, bonjour. Je crois pas que ça va te plaire, Manu. Je voulais chanter du Julien Doré, je crois que tu n'aimes pas du tout Julien Doré. Te connaissant, tu dois pas aimer Julien Doré. Est-ce que je me trompe ? Mon cher Manu. Pourtant, il fait des trucs électro. Hein. Alors, écoute, écoute juste. Je le mets pas longtemps. C'est une version remixée de Julien Doré. Tu dois bien connaître Julien Doré. Découvrir ton corps depuis la scène du sombre décor. Le crâne sirène s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas, le soleil s'endort. Tu aimes pas. Ni même quand il y a des paroles. C'est quand même un phénomène, toi. Hein. En fait, est-ce que tu aimes un chanteur français? Est-ce que... Ah, bon, bah, il est parti. Bye bye. Bonjour Doc, est-ce que tu veux essayer cette chanson ? Drum. Someone can play drum or not? French song. de symphonie. Et puis c'était pire encore pour l'hiver. et Julien Doré vous envoie. My guitar is not tuned. I'm sorry. Play a solo, just acoustic. Just electric, but... Oops, okay. Ready for just a solo. Version. I think. Oh, I'm sorry. Oula. Sous-titrage Société Radio-Canada. Puisse-t-elle le désir encore. Et French song. French song. fait, j'ai simplifié. En fait, tu fais. Je rêvais Thank you. We'll be right back. Thank you.